vous avez fait pour faire ça? Pardon. Le gel sur les surfaces telles accroche les microbes en fait. Donc faut pas en mettre sur les mains et tout, faut en mettre sur les surfaces, faut pas en mettre du gel. Faut mettre des produits nettoyants, pas du gel. Voilà. Voilà, du coup c'est. Je te laisse étaler ton gel. Et donc je redis, comme j'ai coupé la clé, que là, donc Gaspard, toi tu viens nous parler de la lutte pour... Non, pardon, tu es Marco qui vient nous parler des jardins paysans de Tremblay en lien avec les habitants et leurs nouveaux projets. Et là, donc, on est un peu... Là, ça va durer à peu près une demi-heure et après on refait un petit débat sur produire une bonne alimentation en Île-de-France entre solidarité alimentaire et production de qualité. Merci, bonjour à tous. Petit détail, c'est les jardins solidaires de Tremblay en France, bien que l'ambition c'est de devenir de plus en plus paysan. Donc, on parlait des villes riches qui ont des moyens. Eh bien, Tremblay en France, c'est une ville riche et c'est la ville de la Seine-Saint-Denis qui détient plus de... Or, dans ce contexte, je suis ici pour vous témoigner d'une... laboratoire qui existe depuis une dizaine d'années dans les quartiers politiques de la ville, centre-ville de Tremblay. C'est un projet né dans un milieu associatif de l'insertion par l'activité économique dans une régie de quartier. Sur le biais d'un projet nommé Tige collective, travaux d'intérêt général, on a demandé l'exploitation des terres en friche au sein du quartier. C'est des terres abandonnées, délaissées, où les bailleurs ne s'occupent pas, la ville ne s'occupe pas. On a commencé en utilisant cette main-d'œuvre gratuite pour développer des jardins plutôt à vocation pédagogique et bien sûr éducative concernant les peines alternatives. On a réussi à impliquer les écoles, les associations du terrain, du quartier, et des jardins ont vu les jours. Le principe, c'était justement de montrer aux enfants de la cité que les carottes ne poussent pas à Franprix, qu'il n'y a pas une usine de carottes, et de commencer à faire une sensibilisation autour de l'éducation alimentaire. Au fil du temps, ces projets, pour des raisons personnelles, des conflits joints au maire, président de l'association, j'ai proposé la création d'une société coopérative d'intérêt collectif pour développer des agricultures urbaines et prévention de la délinquance. Un détail important, c'est de savoir que tous ces jardins sont sur l'espace public et ils ne sont pas clôturés, justement pour rentrer en contact avec la population. Dans les faits, on a créé des rouges, dans les jargons politiques de la ville, on parle de cohésion sociale, lien social, etc. Au fil du temps, ces lieux sont devenus des lieux respectés par l'ensemble des habitants et des lieux d'échange sur tout. Ils n'ont pas accepté la proposition de la SIC et c'est encore possible, ils m'ont créé un poste au sein du CCAS et notamment l'ancien service RSA. Je suis issu de l'insertion par l'activité économique. Ce projet, il a pris de plus en plus d'ampleur et à partir des 3 ans, tous nos jardins ils sont traités dans le principe de l'agroécologie et de la permaculture. Et note à l'habitante qu'il demandait des habitantes. Dans les cités, il y a beaucoup de personnes, notamment la première, la deuxième génération, qui ont beaucoup de compétences. Souvent, ils viennent des milieux ruraux. Ils savent faire pousser des choses. Ils sont demandeurs. Or, chacun il a sa tradition et ses façons de faire. Dès qu'on a commencé avec la permaculture, les personnes ils étaient plutôt réfractaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a cet âge judéo-chrétien, que cultiver la terre, c'est le fruit de notre front. Et pour avoir quelque chose, il faut fatigué. La permaculture, c'est, et notamment le système des lasagnes, est très adapté à l'agriculture urbaine. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Il s'agit de récupérer des déchets végétaux, notamment les feuilles qui contiennent du carbone, de la tonte qui contient de l'azote, faire des couches, et où il y a des terres stériles inées, après 3 mois, on commence à observer la vie qui prend le dessus, des bactéries qu'on ne voit pas à l'œil nu, des insectes et plein de vers de terre. Or, cette personne qui était réfractaire à cette façon de cultiver, quand on leur propose une petite parcelle, un petit carré en permaculture, dans l'espace d'une saison, ils saisissent tous l'intérêt de le faire. Or, sur un projet lié à l'ANRU, donc renouvellement urbain, il y a eu 10 tours qui ont tremblé dans l'espace de 10 ans. Les dernières 3, on a reçu une légitimité pour pouvoir proposer d'y créer des jardins. Donc, on y crée des jardins avec cette méthode. Et dans les faits et politiquement, on est en train de créer que c'est possible de sortir des catégorisations du social en termes de métiers et en termes de public. Dans nos jardins, il y a des résidents des foyers handicapés moteurs, maisons de retraite, instituts médico-éducatifs, il y a des animaux. Ah. Bon. Avant les CRS, hein. Après. Bon, je continue pour ne pas prendre trop de temps. Donc, avec la destruction des tours, on est arrivé à avoir une certaine production, notamment cucurbitacées, tomates, etc. Et ça donne de plus en plus envie. Et pendant le confinement, on a constaté justement, qu'est-ce qu'il disait, j'ai oublié tout, Sophie, il y a eu de gros problèmes, impossibilité d'avoir des pros sur les territoires. Je pense un peu comme les brigades, ils parleront tout à l'heure, il y a eu des associations de quartiers qui ont pris des contacts avec des fournisseurs de fruits et légumes et ont organisé des navettes. Sinon, dans la cité, c'était pizza, kebab, pâtes et riz. Donc, et maintenant on arrive à l'aspect un peu plus intéressant, que c'est un peu l'ouverture de ce que cet laboratoire il met dans une ville qui a les moyens et il a les terres agricoles. On est en train de travailler depuis quelques mois un projet basé sur la création d'une chantier d'archer bio à l'intérieur de la ville, avec l'ambition de pouvoir permettre aux chômeurs du centre-ville de pouvoir produire des produits frais sur la commune. Et une chose qu'on y tient, c'est la démocratie alimentaire. Bien sûr, les gens de la cité en moyen, ils ne peuvent pas se permettre d'adhérer à un AMAP et acheter 15€ un panier bio. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est de permettre aux habitants de la cité de pouvoir accéder à des produits frais, parce qu'ils ne seront pas bio, parce que les terres sont juste là, très proches des Charles de Gaulle. Donc un label bio, c'est difficilement obtenible et ça pose des problèmes. Par contre, la pollution des sols à l'aéroport, il a le même taux de métaux lourds des champs agricoles en général de France. Et la chose intéressante, c'est que quand on a commencé à envisager la création de ce chantier, on a découvert qu'il y a eu le lancement du projet agricole des territoires du Grand Roissy. En 2016, il y a eu la publication de la charte agricole. En 2016, Monsieur le maire de Tremblay il a signé cette carte. Pour vous montrer une des fonctionnalités au sein de la fonction publique territoriale, c'est un niveau de temps, il faut 5 ans pour acter une idée. Maintenant, avec les élections, on compte sur le fait que le nouveau conseil municipal, il a 2-3 personnes qui nous connaissent. Ils sont très attachés à cet thème. Donc, tout est encore ouvert parce qu'il y a une étude de faisabilité à voir en fonction de en fonction des surfaces exploitables, typologie des cultivations, mais ça, la SAFER, il avait déjà prévu pas mal de choses, donc il montre que ces types de projets sont faisables. On part comme l'esprit du jardinier, de façon humble, on essaye de trouver 3-4 hectares pour y commencer en production maraîchère. Cela dit, notre point de force, justement, ça pourrait être celle d'être un des premiers rhizomes du projet Karma. Parce que dans tout, c'est fondamental, bloquer, combattre, résister, c'est la première chose qui nous rend ici. Mais par la suite, c'est la réflexion et l'action, et faire des choses concrètement. Donc pour nous, c'est très, j'ai choisi de vous en parler, pour le fait que malheureusement je devrais partir assez tôt. Par contre, les CPTG ils ont tous nos contacts. Pour les gens qui sont intéressés, venir voir ce qu'on fait, de venir. Et l'espoir, il y a une réaction politique, parce que justement Bernard, il parlait de la Cour d'État, du président de la région, mais c'est à niveau local qui, de toute façon, il faut imposer des choses. Quand on a commencé ces projets à faire des jardins au pied d'immeubles, l'élu il nous a dit bah, vous êtes bien sympa à Tremblay en France, les jeunes ils brûlent les bus et vous pouvez faire et vous voulez faire pousser des fleurs. Moi je lui dis, je voulais vous dire que la première c'est qu'on peut brûler des bus et faire pousser des fleurs, et la deuxième que si on n'essaye pas on ne pourra jamais y arriver. Donc on y allait. C'était dur, c'était long, mais je suis très content et ravi de pouvoir cette bataille, que ce n'est pas une lutte dans le sens que je suis un fonctionnaire, que j'ai une couche de hiérarchie et de bureaucratie infinie pour pouvoir être en action. Mais bon, c'était un plaisir de vous annoncer ça. Et je passe juste le temps qui vient d'être embauché, ancien élève de Fénelon, actuellement... actuellement à l'école du Breuil sur une licence éco-pure, et qu'il apporte un savoir-faire et une expertise technique. Donc, qu'il dit deux mots en lien à ce type de projet biodiversité des territoires. Ben, merci Marco. Je m'entends. C'est... Donc c'était juste pour dire qu'en plus de ça, le territoire de Tremblay avait une force importante, c'est ceux qui ne connaissent pas. C'est donc des tours d'immeubles, mais entourées d'une chaîne écharmée. Le centre-ville d'une chaîne écharmée, c'est des arbres, des chaînes et des charmes. forcément, c'est resté. Il y a vraiment un potentiel de trame verte qui est important à l'échelle de ce territoire. Alors la trame verte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, c'est réussir à relier les différents spots de biodiversité. On parlait de résilience tout à l'heure, c'est très important que les espèces puissent se reproduire, pas uniquement en huis clos, sinon la diversité génétique et finalement elles deviennent moins résilientes au changement. Et donc le territoire de Tremblay, il est situé notamment à côté de la colline du fort de Vaujour, ou le bois de Bernouille. Les plus anciens engagés doivent connaître... voilà. Donc il y avait un gros projet là-bas, notamment lié à Placoplâtre, qui a été abandonné dans les années 2000. Donc une zone Natura 2000. Ensuite, on va au parc de la poudrerie, qui est une ancienne poudrerie impériale qui a été classée en SNIEF 1 et SNIEF 2, qui a fait il y a 5 ans de ça, et donc on a réussi à gagner du temps au moins là-dessus, même si on ne sait pas vraiment comment l'avenir va être... Va avoir lieu, mais en tout cas voilà, c'est un autre projet qui a été gagné. Et donc tout ça, c'est le territoire de Tremblay qui va jusqu'à une zone naturelle sensible et qui finalement s'arrête tout ça, lui aussi classé en Natura 2000. Et l'endroit où on voudrait dans l'absolu implanter ce chantier de maraîchage, il n'y a pas de secret, c'est dans les champs agricoles qui divisent en fait d'un côté le centre-ville qui est très boisé, et on passe la 104, on arrive en. Et lorsqu'on sort de ces champs de monoculture, on arrive à côté de la zone naturelle sensible et aux portes du parc du Saussay. Et donc en fait, on voudrait, en même temps qu'on met en place ce chantier d'insertion en maraîchage, venir redévelopper sur place, par des haies bocagères, par des lieux de passage, la possibilité pour tout ce qui est faune de pouvoir migrer, de pouvoir relier ces différents corridors. Donc voilà, et peut-être essayer d'initier une volonté de passer en bio ou en raisonné. Auprès des autres agriculteurs. L'avantage, c'est que si on prend 4 hectares et qu'on les utilise pendant 3 ans, c'est que derrière, vu que nous, partielle en bio, ça permettra à l'agriculteur de se dire, bah, déjà, cette parcelle-là, je peux peut-être le passer en bio, ce sera peut-être plus rentable. Et donc voilà, peut-être aussi d'initier comme ça en donnant l'occasion, s'il décide de la reprendre derrière, ce qui n'est pas notre avantage, mais ce qui est toujours possible. Oui, la Safer, il part d'usufruit, des bails, etc. Et le problème maintenant, c'est la détermination politique. Et on a assisté à la distribution des délégations des voies sous-marines. On voit qu'il n'y a pas un véritable projet cohérent. Au sein des collectivités territoriales, on distribue les délégations pour arranger les équilibres entre les différents partis qui composent une majorité. Et donc la première barrière sera, notamment par les élus verts, de donner en cohérence à toute l'existence pour avoir une stratégie efficace pour pouvoir mettre en place, entre autres, ces chantiers d'insertion et cette intégration de l'an et du couloir environnemental, la trame verte et bleue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que comme vous devez du coup partir après, peut-être on fait les questions maintenant par rapport à vous et ensuite on enchaîne sur les autres. Hein? Ah, pour ceux qui sont intéressés par ce que tu as présenté, il y a une mailing list. Bravo. Qui est? Qui est L'idée aussi de cette journée, c'était que des personnes qui ont envie de cultiver ou d'aider ou d'apprendre ou voilà, d'aller faire des lasagnes chez Marco, puissent aussi rencontrer les personnes qui proposent ces activités, former ou juste filer un coup de main ou en tout cas les rencontrer. N'hésitez pas, moi j'y suis allée sur leur terrain, ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Donc, ouais. Justement, ça m'est fait penser, nous, malgré l'apport des bénévoles... Vous expliquer comment faire, pardon. Ah, oui, donc juste pour la liste, comme il y a plein de projets, donc nom, prénom, pseudo, ce que vous voulez, mail ou portable, les deux ne sont pas au mail. Et par exemple, pour Marco, vous mettez Marco et on saura à qui. Et dans la dernière colonne, voilà. Après, si c'est le projet Aubervilliers-Gaspard, les brigades, enfin voilà. Et on comprendra. Mais j'ai fait à la main très rapidement avant que je prenne mon RER ce matin. Donc j'ai... Merci de votre indulgence. Inscrivez-vous si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un qui a présenté un projet ou qui va le présenter. Si vous avez envie de bénévoler, si vous avez envie de... Malgré l'apport des habitants à titre bénévole, on est arrivé dans une phase où on n'avait pas assez de main-d'œuvre. Et donc, j'ai aussi une casquette formateur dans les métiers du social. J'ai accueilli 3 conseillers d'insertion à Tremblay. Ils ont fait un diagnostic. Je l'ai mis en condition de pouvoir échanger avec les acteurs de l'insertion, Pôle emploi, projet emploi-insertion, mission locale, etc. Et on a mis en place un système d'accueil dans le cadre de la formation initiale du collège au master et dans cette énième forme d'exploitation qui s'appelle PCMMT, période de mise en situation de travail, pour accueillir des personnes au chômage, découvert métier et confirmation du projet professionnel. Ça nous a permis d'avoir deux plantant tout au long de l'année, et c'était une richesse infinie parce qu'on a vu des étudiants, c'était leur idée, ils ont greffé les projets. Par exemple, une école primaire, il a mis en place tout un système de recyclage à l'école. La stagiaire a formé une classe de CM2 et les enfants du CM2 sont en classe pour former au système. Sur la vague de ça, un enseignant, il a fait le premier jardin potager à l'extérieur d'une école sur l'idée des enfants qu'il s'est soucié de fournir aux gens qui fouillent les poubelles à manger. Donc c'est un jardin à libre accès où ils font des animations pour expliquer. Parce que le problème, le libre accès, c'est bien, mais il faut expliquer comment récolter. Un, ne pas tout prendre, et deux, pas arracher un pied pour grignoter de tomates. Chose qui, parmi nous, sont évidentes. Pour quelqu'un qui l'a grandi en ville, ce n'est pas évident du tout. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une, deux remarques, questions, ou on passe à la suite, c'est bon ? C'est bon ? Bah, merci encore. Et donc pour le contact, voilà, c'est sur la mailing list, je pense qu'après ce sera dispatché en fonction des personnes. Super, merci. Et donc après, on a les brités populaires. Du coup, moi, j'ai pas les prénoms, alors je sais pas qui doit parler à ce moment-là. Mais vous pouvez parler à plusieurs, hein, en fait. Voilà, vous pouvez parler chacun votre tour, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse la parole sur ce que vous avez fait, sur ce que vous vouliez dire aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Du coup, en fait, nous, on n'est pas exactement les brigades de solidarité populaire, mais c'est un peu le taf qu'on a mené pendant le confinement à Aubervilliers. Donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement le projet en tant que tel, et ensuite de vous présenter un nouveau projet qui est un peu ce qu'on a eu justement de solidarité alimentaire pendant le confinement. Donc très rapidement, on vient d'Aubervilliers, qui était une des villes les plus productives de France et qui a nourri Paris pendant des siècles. Voilà, Gonesse, c'était les céréales, pleine des vertus. À Aubervilliers, c'était vraiment les légumes et de plein champ et sous cloche, etc. Et en fait, le projet il s'est construit autour de la dernière ferme en activité de la ville qui a été rachetée il y a 30 ans par la commune. Et c'est juste le bâti de la ferme, mais c'est un truc très typique de la région. Il y a des trucs comme un four à betteraves communal, un collectif qui sont vraiment des trucs typiques de la Seine-Saint-Denis à son époque agricole, quoi. Et du coup, la mairie l'a racheté il y a 30 ans au dernier propriétaire qui s'appelait les Mazier, qui est une grosse famille d'Aubervilliers. Et donc, elle s'appelle la ferme Mazier. En fait, elle est tombée en ruine progressivement. Et puis, tout d'un coup, par la volonté d'une personne administratrice à la mairie, etc., il y a eu un chantier école qui s'est passé, mais sans non plus de projet derrière. Donc nous, on a proposé de l'utiliser au début pour faire juste des repas festifs de quartier, des différents savoir-faire de la ville. Donc on a autant fait des savons que des couscous, que des sauces, que des confitures, que des... Voilà, au début, toujours dans une ambiance festive et ouverte au public, 6 fois par an. Et en fait, après, avec l'argent, on s'est acheté un four à bois communal, un gros chariot de manutention. Et du coup, on a commencé ces premiers projets des cuisines mobiles en partenariat avec, entre autres, des écoles, les bailleurs sociaux pour faire des cuissons en pied d'immeuble, etc. Donc ça, c'est un peu le premier projet. Mais du coup, avant de vous dire tout ça, ouais, le projet, il s'appelle la pépinière parce qu'en fait, c'est plein de petits projets qui sont autonomes et autogérés, qui se fédèrent ensemble en mettant en lien un espace, des thunes, des savoir-faire, des outils, pour juste valoriser une alimentation saine, locale et bon marché. Donc il n'y a pas de question de label ou de quoi que ce soit, c'est vraiment juste des trucs de bon sens, chacun sait à Aubervilliers ce que c'est qu'une alimentation saine. Bref, et du coup il y a 4 projets en cours, il y a ces cuisines mobiles, donc il y a une cuisine et un four à bois qui descend en pied d'immeuble, on fait des pizzas à prix libre, etc. Avec ces sous-là, en fait, on a appris, parce qu'il y avait pas mal d'adhérentes et d'adhérents qui voulaient brasser de la bière, donc on s'est mis à faire une microbrasserie associative, voilà. Et après, on a ouvert une épicerie coopérative, donc exactement comme nos voisins d'Ionicop et Copanam. Non, c'est pas Copanam, c'est Coco-Panam. Donc voilà, c'est une épicerie autogérée où tout le monde met des sous sur un compte. Ils ont une fiche, ils viennent faire leurs courses, tout le monde a les clés. Tout est ouvert quand il y a quelqu'un qui a ouvert avec la clé. Et on a des produits en direct, producteurs. Donc pareil, il n'y a pas de label, il n'y a pas de... Ça repose sur le bon sens, quoi. On demande pas du bio ou que du local, etc. Parce qu'il y a différentes personnes avec différents portefeuilles, différentes cultures, etc. qui l'utilisent. Et donc il n'y a pas de critères stricts, mais pareil, ça repose sur le bon sens, du bien manger, etc. Et donc après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Aubervilliers, les Restos du Cœur, le CCAS, donc les services sociaux et les cantines, elles ont été fermées. Donc du coup, il y a eu une énorme quantité de personnes qui se sont retrouvées dans l'urgence directe, quoi, de vraies grosses terres. Donc on s'est mis à distribuer en fait des repas et assez rapidement, parce que certains d'entre nous étaient livreurs à vélo, on a ouvert une instance cyclo-logistique chez des amis qui s'appellent Copcycle, qui ont une application open source pour dispatcher des courses. Enfin, c'est un truc faire la nique à Uber et Delivengo et tous ces trucs-là. Mais donc du coup on a eu une flotte de porteurs et pas mal de bénévoles parce qu'on était un peu le plan déconfinement aussi pour tout un tas de gens sur Aubervilliers, et on a livré tout de suite 500 repas par jour, 6 jours par semaine à tout, enfin Aubervilliers, des gens qui étaient fléchés par les services sociaux, mais aussi beaucoup de familles qui se sont retrouvées vraiment en galère parce que les cantines scolaires étaient fermées, que fallait faire un paplard pour sortir, que enfin c'était donc beaucoup plus de gens que ce que les services sociaux avaient l'habitude de couvrir, quoi. Et du coup on s'est retrouvé vraiment en plein dans les problématiques de l'aide alimentaire, alors que voilà, à la base on fait plutôt de l'éducation populaire, des trucs de quartier. Mais du coup ça nous a beaucoup questionné assez rapidement, les gens, voilà, on avait marre de distribuer de la bouffe sous plastique qui était en plus voilà, enfin un peu pour, pas forcément pour rentrer trop dans le détail, mais sur l'aide alimentaire, il y a plein de trucs bien dégueulasses, de garantie de la surproduction via la PAC, de défiscalisation des grandes enseignes via des dons, etc., qui posent en fait tout un tas de problèmes. Humiliation en fait des personnes qui sont assistées, où on les met vraiment dans une position dégueulasse, quoi, de pur assistanat, avec souvent des préjugés racistes, etc., enfin des trucs bien, voilà. Mais donc, sans qu'on soit vraiment sur ce sujet, le fait qu'on se foute les deux pieds dedans à faire évoluer le projet. Donc maintenant, en gros, on a lancé les pépiers récup, qui est un peu le quatrième projet du coup de la ferme, où tous les samedis, on récupère des fruits et des légumes du marché qui sont déjà là, et on fait des étals gratuites, quoi. Et ça, c'est plutôt organisé du coup. Les gens qui étaient bénéficiaires de l'aide alimentaire, etc., donc du coup, qui ont aussi justement la capacité de fédérer beaucoup de gens. Bah, c'est beaucoup des darons, mais donc il y a beaucoup de darons qui passent. Et du coup, on fait aussi beaucoup d'interactions entre les différents projets. Donc l'idée, voilà, c'est équiper la ferme d'une vraie cuisine pro qui puisse être à disposition des gens pour un peu, pour le réduire simplement, mais un peu visibiliser et même valoriser, sociabiliser le travail invisible, quoi, qui est souvent un travail féminin, domestique, et qui n'est même pas appelé truc... aussi cool que d'aller au théâtre ou de boire un coup avec des copains, quoi, et qui doivent être collectifs et voilà, culturellement riches et émancipateurs. Et donc du coup là je viens vous parler en fait d'un autre projet qui est un peu né de notre expérience. Et donc c'est un projet qui nous fait des nœuds dans la tête depuis 3-4 semaines, et en fait là ce matin c'est la première fois qu'on sort un écrit. Donc je vais vous le lire, mais voilà, j'espère qu'après il y aura des discussions, parce que pour nous c'est très clair, mais c'est pas sûr que... Ok. Donc ouais, vous me direz, ouais. Donc, nous sommes des urbaines sans terre. Nous voulons poser la question de la terre depuis la banlieue. L'expérience du Covid et du confinement à Aubervilliers a révélé une fragilité d'une ampleur insoupçonnée chez les habitants de notre ville. Dans les premières semaines du confinement, avec la fermeture des cantines scolaires, des associations d'aide alimentaire, mais aussi le ralentissement de l'activité des services sociaux... La perte brutale d'emplois sans indemnité ni chômage, beaucoup de familles se retrouvaient dans l'incapacité de se nourrir dignement. À Paris et dans sa périphérie, les plus riches et les mieux dotés en amis possédant des résidences secondaires ont pu quitter la ville. Mais pour l'habitant d'Aubervilliers, le confinement fut total et brutal, coincé chez soi ou ses parents dans des logements souvent suroccupés. La même situation inégalitaire se produira à la prochaine pandémie, à la prochaine canicule, au prochain épisode de pollution de l'air. Cet été, de nouveau, il fera trop chaud. Les bouches d'incendie seront ouvertes par des jeunes étouffants sur le bitume, des migrantes, ados, fatigués, des rares piscines surpeuplées, des gens mourant d'ennui et cherchant un peu de fraîcheur et d'excitation en plongeant dans les eaux du canal Saint-Denis. Et comme chaque année, ils et elles risqueront leur vie pour profiter de la seule ressource en eau disponible à proximité. Rien, c'est une des villes les plus minérales de l'île de France. Il y a 1,2 m² d'espace vert par habitant. Donc c'est un des pires de... Voilà. Pas loin d'ici, le monde agricole subit des pressions de plus en plus insupportables. Modèle industriel insoutenable, surendettement, exposition aux engrais et pesticides toxiques utilisés par isolement dans les campagnes dépeuplées. D'ici 10 ans, près de 300 000 agricultrices et agriculteurs vont partir à la retraite. Environ 7 millions d'hectares de terres vont potentiellement devenir accessibles à d'autres usagers. Un peu partout en France, des collectifs s'engagent pour des reprises de terres. Nous avons besoin de terres pour nous nourrir, pas pour y construire des logements spéculatifs et des bureaux qui resteront vides. Nous avons besoin d'arbres pour nous protéger des canicules, pour que nos gamines et nos gamins chapardent les fruits et que les oiseaux reviennent. Nous avons besoin de grands espaces, sans flashball, sans contrôle aux faciès, sans harcèlement policier. Nous voulons travailler sans y perdre notre santé et notre... Nous voulons apprendre à faire lever notre pain et à greffer les fruitiers. Nous avons envie de prairies pour jouer au foot et dormir à la belle étoile. Nous voulons respirer sans asphyxier. Nous voulons des eaux naturelles, gratuites, ouvertes à toutes, pour nous baigner. Nous voulons... montrer ce que nous savons faire à celles et ceux qui nous imaginent incapables, assistés, dealers, racs et violents, et nous perçoivent comme des dangers pour la société. Nous voulons faire du business de plants d'arbustes, fumer du bouillon blanc et de la laitue vireuse. Nous voulons voir les étoiles la nuit et sentir la terre sous nos pieds nus. Donc ça, c'est un peu l'article. Mais du coup, en fait, là, bon, on articule en deux parties. Là, c'est plutôt le projet. Mais donc, nous voulons des terres communes, libres d'accès, pour plus de justice alimentaire, de joie de vivre et de liberté. Notre projet, acquérir collectivement des terres nourricières en tant qu'habitantes de banlieue. Se doter d'une meilleure capacité de subsistance, arracher les terres à la métropolisation, pardon. Installer une des paysannes sur ces terres, leur offrir l'usage gratuitement, leur permettre de produire et de vivre de la production de nourriture sans pesticides ni engrais chimiques, économe en eau et saisonnière. Créer un silaire redistributif permettant des paniers de légumes, pain, œufs, autres, pas chers. Relier la banlieue à la campagne en créant un espace commun entre habitants de quartiers populaires de Villers-Villiers, paysannes et paysans ruraux. Créer une solidarité vers les paysans écrasés par l'endettement, la prédation de l'agro-industrie et la financiarisation du foncier. Créer une propriété collective, incessible et inspéculable. Vendre 1 euro la part de la structure possédant les terres communes des habitantes et des habitants d'Aubervilliers. Voilà. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter du coup quelque chose? Peut-être. Bonjour. Je vais présenter du coup moi j'habite à la Goutte d'Or et du coup pendant le Covid il y a une brigade qui s'est montée comme dans pas mal d'arrondissements. Nous la particularité c'est que ça a été il y avait pas de gens qui s'organisaient politiquement autour de l'urgence alimentaire comme ça pouvait se voir dans le 20e, dans le 19e. Donc ça a été vraiment un mouvement citoyen qui s'est créé. On a fait énormément de distributions. Alors c'était 2 maraudes par jour, tous les jours, midi et soir. Puis après on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas que les gens à la rue qui étaient en galère. Il y avait aussi des gens qui avaient une maison mais qui avaient de s'acheter à manger. Donc on a commencé à faire des colis solidaires que les gens venaient récupérer pour cuisiner à la maison. Et on a fonctionné qu'avec de la récup. Faut savoir qu'on était en autogestion de 100%. Je crois qu'on a dû dépenser 200 euros sur les 3 mois de confinement pour mettre les plats qu'on cuisinait. Donc c'était que de la récup. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de nourriture qui était vouée à la poubelle, en fait. On n'a pas été très très regardant sur la qualité des produits qu'on distribuait. La protection civile nous a mis beaucoup de paniers repas. Ça nous a pas fait rêver de les distribuer, hein. C'était du sandwich Sodebo, des choses comme ça. Mais c'était des tonnes et des tonnes et des tonnes de denrées qui étaient mises à disposition gratuitement. Et ça pose la question de... Et on en discutait un petit peu tout à l'heure, du business qui se crée autour de ça. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de redistribuer des invendus ou des invendables pour défiscaliser, à mon avis. Et du coup, ça pose la question. Tout à l'heure, j'ai vu pas mal de bras se lever quand on disait « Ouais, mais il faudrait peut-être accepter de faire des sacrifices sur payer un petit peu, mettre un petit peu d'alimentation et avoir une alimentation bio. » Mais je pense que c'est un petit peu passé à côté de certaines réalités des quartiers populaires. C'est des gens, en fait, pour qui chaque euro compte et qui peuvent pas faire ce sacrifice. Et je pense qu'on pourrait financer du bio pour toutes et tous autrement qu'en en faisant encore faire le sacrifice aux gens qui la vie, c'est, enfin, franchement, en plus pendant le Covid, le quotidien était déjà un sacrifice. Donc du coup, voilà, je pense que la question de l'accessibilité du bio à tout le monde, c'est compliqué. Mais c'est des vraies questions, hein, en tout cas. Et je voulais en profiter pour présenter un deuxième projet auquel je participe, qui s'appelle la Cantine des Pyrénées. C'est une cantine autogérée, solidaire, qui est dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc là, pendant le Covid, pareil, ça a fonctionné en mode banque alimentaire, mais en temps normal, il y a un repas libre tous les midis de la semaine, cuisiné par des volontaires, ouvert à toutes et tous. Et voilà, donc c'est 77 rue de la Mare. Si un jour vous êtes dans le coin, que vous voulez venir filer un coup de main pour cuisiner, ou juste manger, ou vous intéresser au projet, voilà. Mais ça arrive dès septembre. Merci beaucoup. Du coup, on va passer un peu à la partie discussion collective, débat. Donc voilà, je vois déjà des mains qui se lèvent. N'hésitez pas, aussi ceux qui n'ont pas encore pris la parole, participez, ajoutez vos réflexions, vos critiques, vos remarques. Sur le jardin des vertus à Aubervilliers, Est-ce que c'est la même chose que les jardins ouvriers qui veulent supprimer pour faire du logement ? Ça n'a rien à voir, hein ? Effectivement, merci de me donner l'occasion de reporter cette lutte en cours. Donc en fait, nous, on est du côté vraiment historique d'Aubervilliers, quoi. Et cette ferme, c'est une ferme de paysans vers la mer, entre la mer et le canal, rue Heurtaux, 70 rue Heurtaux. Et du coup, en fait, les jardins ouvriers, c'est des jardins ouvriers qui existent depuis 150 ans, qui sont de l'autre côté de la ville, vers le fort. Et du coup, c'est des jardins ouvriers qui sont transmis en famille et entre des gens qui viennent de plus loin pour continuer à cultiver la parcelle de leur famille, quoi. Et là, il y a un projet de métro et de piscine. Les concertations avec les habitants sur la question de la piscine, elles étaient claires. Il y a un vrai envie de piscine, comme voilà, je vous ai parlé un peu du problème à Aubervilliers. Mais en fait, là, la Société du Grand Paris a décidé de uniquement utiliser 5000 mètres carrés des jardins en disant qu'ils l'utilisent comme remblai de chantier, qu'ensuite, quoi, dans le fort. Et en fait, il y a un langage assez dégueulasse, bon, déjà sur la compensation en général, mais là, de dire le fort d'Aubervilliers, en fait, c'est un lieu vraiment sauvage, qui est un lieu militaire qui a été abandonné, qui a une longue histoire, bref. Et du coup, qui est un lieu complètement sauvage, mais dans lequel il y a des artistes qui y habitent, il y avait des casses, il y a eu des camps de... Il y a un usage, en fait, de cet espace-là, quoi. Et un peu comme ça s'est passé sur la Petite Ceinture à Paris. Et là, l'argument, c'est de dire qu'ils construisent des logements et des infrastructures, mais aussi un espace de parc, construit, quoi, urbanisé, dans lequel il y aura des jardins pédagogiques et tout ce que tu veux de machin, qui recompolluer et qui considèrent comme des potentielles compensations. Donc en gros, tout le débat là, c'est aussi sur la question de la propriété, de dire que oui, ce sont des parcelles qui sont privées, mais qu'elles ont une vraie fonction collective. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont militants à Aubervilliers qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de jardin dans les jardins des fraternités ouvrières, mais qui sont, enfin des jardins, pardon, des vertus, mais qui du coup sont quand même impliqués dans la défense de ces 5000 mètres carrés là, qui sont censés être uniquement utilisés dans un premier temps, mais bon, c'est le bureau, voilà. Sachant que voilà, à Aubervilliers, il y a des très gros problèmes de construction parce qu'il y a 60% du parc neuf qui est vide, et c'est des F2 qui sont à 1300, 1400, 1500 euros du mois, qui sont clairement pas pour la population qui sont là, quoi. Donc du coup, voilà, on a beau bâtiment vide. Une prise de parole là, et faites-moi signe hein, si vous voulez prendre la parole. Du coup, j'avais une question pour Gaspard, mais du coup, pardon. Non, mais c'est cool les échanges aussi. Du coup, tu l'as, parce que, sans rentrer dans les off de cette journée d'organisation, quand j'ai eu Gaspard, il m'a parlé de mettre un truc, et tu l'as un peu dit dans ton texte, mais c'était pas très clair. Donc si tu peux repréciser ça, parce qu'effectivement, je crois que vous êtes certes le premier texte qui a été pondu, mais il y a quelque chose derrière, et je ne l'ai pas très bien compris dans ce que tu as dit. Et juste aussi une réponse à toutes les initiatives solidaires alimentaires qui sont faites pendant le Covid. Moi, je ne peux que témoigner de ce qui s'est passé dans le 93, mais il y a eu un énorme réseau, que ce soit avec Améliora Montreuil, avec les Bifins, les Brigades, et également un acteur dont souvent, quand on en parle, c'est pas forcément bien, et qui a beaucoup aidé, c'est les squats. Et il y a énormément de squats à Paris, en Ile-de-France, qui se sont ouverts, la cuisine pour les Brigades ou pour d'autres initiatives. Et c'est pas neutre si je vous parle de ça, puisqu'on a les copains du Lundi Sauvage à Saint-Denis qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de préparer des actions, qui sont actuellement sous le coup d'une expulsion. Alors eux, c'était particulier, ils avaient fermé parce qu'il y avait énormément de monde, un peu. On a d'autres squats sur Paris, et je l'ai déjà dit dans d'autres endroits, mais je le tiens à le souligner aussi, parce que ça a permis d'aider des gens qui étaient dans le besoin et qui ne pouvaient pas se nourrir. Malheureusement, il y a des territoires, même dans le 93, où ça a été compliqué. Se sont faites parce qu'il y avait des collectifs et des gens qui étaient déjà un peu déter sur place, qui avaient des structures qui étaient déjà présentes, et aussi par le fait que les associations dites institutionnelles sont passées un peu à côté de la plaque pour différentes raisons, mais dont on a trouvé vol dans ces formes de solidarité. Ça s'est fait à toutes les échelles. Sur Paris, ça a été un petit peu plus bling-bling avec le restaurant du street artiste JR et la mairie de Paris qui a fait un énorme boulot. Et comme je disais en rigolant, dans des restaurants en hippopotamus, il a été fait de la vraie cuisine. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis l'ouverture des restaurants hippopotamus. Mais voilà, donc pour faire un gros big up, en tout cas, à tout ce qui a été fait. Et malheureusement, la deuxième vague, en tout cas sociale, toujours présente. Je ne vais pas parler à la place de ces collectifs, mais des copains qui y sont nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, tout simplement parce que maintenant, ils recommencent à travailler. Donc il y a aussi sûrement besoin d'aide, de renouveau et de projets comme ceux qu'on nous a présentés sur des jardins paysans, etc., qui sont pour le coup, je pense, un peu plus sur ce que j'appelle moi le moyen terme ou le long terme, parce que il faut avoir des terres, il faut planter, il faut que ça pousse et tout ça. Et j'espère en tout cas à un moment donné qu'on arrivera à pérenniser ce lien et à redistribuer tout ce qu'on peut faire pousser aux gens qui sont dans le besoin, aux écoles, mais même aux hôpitaux. La possibilité notamment d'être en contact avec la personne qui s'occupe des espaces verts de Robert Ballanger et qu'on se dit pourquoi pas aussi dans les hôpitaux, avec tout ce qui se passe avec les soignants, pouvoir manger plus correctement que ce qu'on mange actuellement. Alors là, on en est des prémices, discours de bisounours et d'attention, mais il y a des portes qui s'ouvrent actuellement et je pense qu'il faut mettre les trois pieds dedans et qu'on nomme ça une ZAD ou pas une ZAD, mais c'est hyper important. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que on est des bisounours ou des extrêmes gauches ou des altermondialistes, parce que ce qui a été fait, des vies. Voilà. Ah, du coup, moi, je voulais bien rajouter une question. Suite à une discussion qu'on a eue justement dans un squat il n'y a pas longtemps avec deux amis des brigades, et qui nous disaient que après le déconfinement, la plupart ont repris à travailler, donc ils étaient super déçus, mais là ils ont moins de temps, donc moins de temps pour faire tout ça, et qu'ils ils se sont dit, bien sûr, du coup on va diffuser cette pratique auprès des personnes qu'on a aidées, pour qu'elles puissent après aider les autres, mais que c'était super difficile, parce que c'est quand même une culture militante qui met des années, en fait, à s'apprendre sur la façon, enfin, où est-ce qu'on fait les récups, comment est-ce que ça fonctionne, après de qui on les distribue, tout ça. Est-ce que vous avez ce problème-là? Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose en cours? Voilà, c'est... Ouais, pour le coup, je vais rebondir tout de suite là-dessus parce que c'est vraiment des trucs qui nous travaillent. Et après, je parlerai peut-être plus techniquement du projet là, de foncière à 1€ la part. Là. Mais en fait, pour parler juste de l'expérience d'Aubervilliers, même du centre-ville d'Aubervilliers, après du coup, cette distribution de bouffe, où effectivement, il y avait beaucoup de gens plutôt aisés qui étaient là pour aider à faire les livraisons et à distribuer toutes les familles en pied d'immeuble, etc. Évidemment, quand ça s'est arrêté, enfin, il y a eu moins de main-d'œuvre disponible pour faire ça, mais en fait nous on était déjà dans une réflexion où on voulait pas faire de l'aide alimentaire comme ça, où on prenait les sacs des PCP ou des trucs en barquette du département, parce que ça, enfin, ça correspondait pas à nos statuts en fait, parce que nous on essayait de faire de la bonne bouffe, quoi. C'est mis en place les récup de marché, quoi. Et alors pour le coup, ça, les récup de marché, on les a apportés un tout petit peu au début, mais là actuellement c'est complètement autogéré par la semaine dernière par exemple, c'était Saba, Noria et Tania qui étaient en fait dans nos listes de bénéficiaires, quoi. Pour le coup là, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce que tu dis, parce que elles parlent la même langue que les commerçants, et en fait elles ont une pratique de la solidarité qui est intergénérationnel, que les récups sont prises en charge par elles, le volume a triplé, quoi. Et la manière d'accéder aux familles, d'expliquer le concept, par exemple, au début il y avait des prises au tas, parce que nous on est plutôt dans des ambiances prises au tas, et en fait c'était compliqué parce que voilà, il y avait des. Et donc maintenant elles sont organisées pour répartir des parts, etc. Plutôt elles qui nous apprennent comment on peut faire que l'inverse. Et donc du coup voilà, il n'y a pas de question, on n'est pas dans des questions de, quand je parle d'éducation populaire, on n'est pas là pour apprendre aux gens à bien manger, en fait on essaye juste de bien manger ensemble, et donc clairement on se pose pas, enfin on a rien d'autre à transmettre que on a faim et on aime la bonne bouffe, quoi. Et donc ça, c'est très collectif pour le coup, les gens sont plutôt, et pareil pendant les confinements, essentiellement, enfin toutes les grosses cités où c'était vraiment compliqué, parce que voilà, je sais pas si vous savez, mais trouver une adresse, c'est une galère de fou, quoi, que vous soyez flic, médecin ou bénévole. Du coup il y avait des points relais qui nous organisaient des distribs dans les familles, des grosses tours où on livrait à une seule point et c'est elle qui distribuait tout, quoi. Donc c'est, voilà, ça s'est plutôt passé comme ça, quoi. Donc le projet, il a évolué. Il y a d'autres gens en fait qui s'en occupent, et c'est qu'une fois par semaine, donc c'est effectivement moins intensif. Mais clairement, par contre, il a pris l'ampleur. On touche encore plus de gens, et on est en réseau avec tout un tas d'acteurs à Paris, des BSP, mais aussi à Saint-Denis ou sur les squats à Aubervilliers. C'est des réseaux qui sont très très bien. Donc a priori, voilà, moi j'espère que justement le prochain confinement, le prochain truc de comme ça qui nous arrivera, ces réseaux seront déjà là et on arrivera à continuer le taf. Voilà, encore un gros big up à Améliore, les Biffins de Montreuil, Patrick, des gens qui sont incroyables. Après sur la question du projet là, 1 euro, en fait, du coup on a un peu regardé avec un peu la même idée que tout le monde, quoi, de dire ok, il faut quand même qu'on ait des terres, quoi, pour faire de la bouffe. Donc on a regardé un peu ce qui se passait avec Terre de Liens, avec différentes voilà, des gens de la revue Terrestre qui travaillent aussi vachement là-dessus, mais toujours du point de vue rural, quoi. Et nous l'idée, en fait, c'est de faire un peu ce qui s'est déjà passé, accompagné par Terre de Liens, faire une sorte de groupement foncier agricole qui, en fait, Terre de Liens, donc j'imagine que tout le monde connaît, je sais pas s'il y a besoin, mais voilà, c'est des gens qui achètent des agricultrices ou des agriculteurs bio et qui sont dans des trucs de grosses négociations avec la SAFER, avec différents trucs, et qui ont monté une foncière qui permet de défiscaliser les dons et d'acheter des terres. Donc voilà, si vous avez des économies, vraiment c'est un bon endroit où les mettre. Mais donc on travaille en gros avec eux. Là, on a vraiment envie de poser la question du point de vue des quartiers, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui se pose différemment, et il y a différents accès au sol, question du, tu vois, aussi de propriété du sol, etc., qui voilà, nous on a envie de monter un projet à l'échelle de notre quartier, mais justement en appelant à tout en souffrance, quoi, et qui monte un collectif. Et ensuite, après, l'idée c'est pas non plus de rassembler un paquet d'oseilles pour acheter une terre et ensuite faire notre projet là-bas. C'est plutôt de montrer, voilà, qu'on est dans ces dynamiques là, qu'on s'intéresse à la question de la démocratie alimentaire, qu'on s'intéresse assez dans des zones qui sont aussi des enclaves culturelles, des enclaves médicales, qui sont aussi des zones qui sont cantonnées à la productivité. Alors nous, décors, eux, des sols, mais en fait, voilà, on a potentiellement plein de trucs où on peut s'entraider, quoi. Et voilà, faire un appel un peu. Là, on est à Aubervilliers, on fait ça depuis Aubervilliers, mais si jamais il y a d'autres quartiers avec d'autres collectifs qui sont dans d'autres ambiances, qui ont envie de se fédérer sur un projet plus gros comme ça, qui nous permettrait justement d'arracher... on parle des terres à la métropolisation, mais en fait, voilà, toutes les terres arables aujourd'hui, là, c'est 700 millions de terres là, qui vont être disponibles dans les prochaines années. Les gens qui les cultivent, ils gagnent 800 euros par mois, donc même leurs ayants droit, ils ne peuvent pas payer des droits de succession de trucs qui font 200, 250 hectares, qui sont complètement délirants. Et donc, les seules personnes qui sont intéressées, c'est soit des fonds d'investissement, soit des grands groupes agro-industriels, genre Jacquet, Bondu, etc. On essaie de proposer un petit modèle à notre échelle, voilà, de dire, on se pose la question d'Aubervilliers, mais si... d'appeler à voilà la fédération d'autres personnes qui sont aussi un peu dans d'autres ambiances pour créer une sorte de groupement de régie de démocratie alimentaire. Après, chacun avec son modèle, selon ses trucs, selon les acteurs qui sont en place, etc. Mais voilà, nous on voit bien que il y a 90 000 habitants à Aubervilliers, donc si on met tous 1 euro, on aura 90 000 euros. Même à 6 000 euros l'hectare, il faudrait 90 000 d'hectares, quoi, donc il faudrait que tout le monde mette 6 000 euros. Donc on les a pas. Bon. Mais du coup, voilà, c'est à la fois faire un appel pour dire soyez solidaires avec nous. On essaie de trouver des gens qui sont en souffrance, qui ont du mal à s'installer, pour essayer de monter un projet ensemble. Et aussi faire un appel à d'autres personnes en disant vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, essayons de bosser ensemble. Voilà. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir ? Fais Charles. Non ? Comme ça, de façon tranquille, ouais ? Bonjour. Non, mais du coup, c'était juste pour rebondir un peu sur... j'ai l'impression... Enfin, par rapport à ce qui... Ouais. Non, c'était juste pour un peu revenir par rapport à ce que tu disais. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu, selon les territoires, selon les villes, une réalité très différente. Moi, je me présente, je fais partie du collectif Atiéké à Saint-Denis. Et nous aussi, du coup, sur la même dynamique, on a distribué des colis au début à 100 et après à 350 personnes par semaine. Mais ce qu'on oublie aussi en parallèle de tout l'univers squat et autres, parce que notamment au Landy Sauvage, c'était beaucoup entraide citoyenne avec qui nous on bossait et qui faisait un travail depuis des années autour des camps, etc., ou à des familles ciblées qui étaient en grande difficulté. Mais il y a aussi des associations de quartier qui sont des assos de sport ou d'autres. qui en fait faisait de la distribution alimentaire, mais à des échelles de 1500 personnes, quoi. Et la question, enfin oui, sociale reste la même, enfin de la crise sociale reste la même. Et c'est sûr que les activités de beaucoup d'associations ou même de dynamiques collectives qui se sont montées spontanément à plein de villes se sont arrêtées, mais il y a quand même tout ce tissu associatif, mais de manière beaucoup moins intense, qui continue, comment dire, la distribution de colis, et là sur d'autres modalités qui ne sont pas les récup, mais qui sont via les banques alimentaires ou le secours populaire. Sauf que le gros problème, c'est que, et parce que nous on était en lien avec le secours populaire, c'est que les fonds européens, eux, de l'aide alimentaire diminuent, et qu'en fait, en gros, ils ont eu un pic pendant le Covid, où ils ont fait où tout leur stock de l'année il est parti en l'espace de 3 mois, alors qu'habituellement en fait avec tout ça ils tiennent une année, et que le souci des prochains mois c'est que beaucoup de structures comme celle-là vont se retrouver avec rien, et ou en tout cas diminuer le nombre de personnes qui pourront, enfin de leurs bénéficiaires, quoi. Et ils n'ont pas de réponse pour l'instant, du coup c'est vrai que flippant et qui donne que de mauvais présages, à mon avis, pour les mois à venir, quoi. Surtout si reconfinement il y a dans les prochains mois. Merci. D'autres personnes qui veulent réagir ? Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît la loi sur l'obligation des grandes surfaces à recycler, à redonner les... Quelqu'un peut aller là-bas. Oui, je pense que vous faites allusion à la loi Garot, votée en 2016. Loi Garot, G-A-R-O-T, du nom d'un député. Votée en 2016 dans le cadre des réflexions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en France. Donc c'est une loi qui, pour le dire très vite, oblige les surfaces, au-delà les grandes surfaces, donc pas les supérettes, pas les marchés, etc., à donner leurs invendus à des associations d'aide alimentaire. Ça, c'est, on va dire, la théorie. Ce qu'on observe dans les faits à 4 ans après, c'est que, en fait, déjà, elles sont obligées d'accepter si les associations font la démarche. Donc, elles n'ont pas d'activité, elles n'ont pas une proactivité vers les associations. Elles défiscalisent et par ailleurs elles ne prennent pas en charge les frais ou les travaux, les tâches liées à ce don. Donc pour tout ce qui est logistique, pour tout ce qui est stockage, pour tout ce qui est chaîne du froid, etc., ça dépend pas du tout de ces surfaces. Donc ça implique qu'elles soient contactées par des associations d'aide alimentaire, que c'est tout de moyen, et en gros, pour les grandes surfaces, il n'y a que les avantages type défiscalisation et aucun inconvénient. Et surtout, ça fait que cette aide alimentaire n'est accessible qu'à certains moyens. Quand même. C'est accessible aux associations qui ont des moyens, quoi. Alors après, il y a toujours moyen de bricoler. En tout cas, pour ce qui est de la réflexion sur le gaspillage alimentaire, il y a toujours beaucoup, beaucoup de bouffe dans la poubelle, ça c'est sûr. Parce que voilà, c'est pas une obligation de ne pas mettre des invendus à la poubelle. C'est accepter si quelqu'un... Voilà. Et il y a toujours autant de bouffe dans la poubelle. Vous contactez la grande surface qui entre dans cette catégorie, parce qu'il y a une certaine taille quand même, et elle va vous donner, on va dire, un créneau sur son emploi du temps de don, parce qu'il y a plusieurs assos qui contactent une même grande surface. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter. Voilà. Par exemple, faut pas rompre la chaîne du froid. C'est compliqué. En fait, on doit faire le travail que les grandes surfaces savent faire. Et c'est ça qui me fatigue, moi, dans les négociations avec la grande distribution sur l'aide alimentaire, etc. C'est que ce sont les grandes personnes qualifiées qui ont les moyens, qui ont les compétences, qui ont l'argent, qui ont le matos pour distribuer, pour stocker, pour réfrigérer, etc. Et c'est toujours aux autres de faire ce travail-là que seules elles sont capables de faire, et qui en plus, qui est loi pour elles en fait. Toutes ces conneries sur la surgélation, la chaîne du froid, etc., c'est l'appareil conceptuel et technique et matériel qui va avec la grande distribution Et en fait, on leur a fait plein de cadeaux législatifs dont maintenant on pâtit en quelque sorte. Et un maraîcher qui traîne souvent ici, je me souviens plus son prénom, je crois que c'est Jérôme, qui m'a dit, mais moi, quand je travaille, je peux pas poser mes cagettes par terre. Une fois que j'ai ramassé des légumes et que je les ai mis dans une cagette, après la cagette, j'ai pas le droit de la poser par terre. Il me dit, mais la bouffe qu'il y a dedans, elle vient de par terre, elle vient du sol. De normes comme ça qui sont énormes et qui sont plus tournées vers la grande distribution que vers l'aide alimentaire ou la production, etc. La production locale, etc. Merci pour ce développement sur la grande surface et l'historique sur la grande surface ou le gaspillage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent ajouter quelque chose? Ouais. Alors, juste pour information, vous le savez peut-être, pour Adama le 18 juillet, samedi. Et donc on s'associe en fait Génération Climat et Génération Adama pour organiser la marche. Et on a encore des besoins bénévoles pour préparer la disque à partir d'invendus. Donc récupérer les invendus, monter et démonter le stand et cuisiner. Donc les 17, 18 juillet plutôt. Voilà, donc si vous êtes chaud, vous pouvez venir me voir et il y a des boucles Telegram pour ça. Voilà. C'est à Beaumont-sur-Oise. Et du coup, il y a un départ en car qui est organisé. Départ à 12h depuis République. Je pense qu'il reste encore des places. Voilà, c'est 5€ l'aller-retour. Donc. Juste sur la marche d'Adama, parce que visiblement il y a quand même des gens qui sont militants dans les trucs écolo ici, etc. Je sais pas si vous suivez un peu, mais quand même justice et vérité pour Adama, ils sont très très conscients que effectivement il y a le problème des violences policières, mais que ça repose sur un racisme systémique et que ça repose sur un système même. Et du coup ils sont très ouverts aussi au soutien et aux militants quoi. Donc je sais que des fois c'est difficile de comprendre la jonction qu'il y a entre l'antiracisme et l'écologie, mais eux ils laissent une grande porte très ouverte. Donc j'invite à tous les militants écolos à se pencher sur la question du racisme de la police et à marche à Beaumont pour la justice pour Adama Traoré. La ZAD soutient le collectif. Le CPTG a aussi soutenu le collectif et fait des appels à rejoindre la manifestation. Et effectivement, j'avais l'initiative de faire des marches et des randonnées. Je parlais de cette problématique qui n'est pas si loin, qui est liée dans le fond en fait à une politique sociale qui a coupé Sarcelles d'un quartier et qui ont mis des gens 10 fois plus loin avec des plus compliqués à Beaumont-sur-Oise. Et donc voilà, tout est lié. Pendant les Gilets jaunes, mais même maintenant, on parlait de justice sociale, justice écologique. Ici, en tout cas, ça a toujours écho et ça a toujours son sens. Et donc, aucun souci à passer les messages en ce sens. Je vais faire une espèce de conclusion bancale, à moins qu'il y ait d'autres dernières prises de parole. Mais c'était un réel plaisir de jouer avec vous. Je vais dire mais j'ai envie un peu de dire que ça vient de la ZAD et un peu de tout le monde. On a bien envie de faire un moment comme ça, que ça soit sur Aubervilliers à la Pépinière. Si vous voulez nous accueillir pour manche chez vous, peut-être pas forcément avec ce nom-là, mais ça serait grand plaisir de venir et d'écrire un événement. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette lutte, il y a des gens qui la suivent, on a beaucoup de soutien de partout. Et donc on peut faire des choses en lien. Moi je souhaite qu'on reste en lien avec les brigades aussi, même si je sais que beaucoup sont dans des réflexions de comment, etc., et qui sont plus dans l'immédiat à essayer de s'autogérer et de continuer tout seul, mais de garder des liens pour savoir ce qu'on peut continuer à faire ensemble. Marco est pas là, mais c'est un grand copain en fait de la ZAD et qu'on a vu souvent ici quand Europa City, et on lui a déjà proposé de faire quelque chose à Tremblay. Et de faire des moments un petit peu d'échange comme qu'on vient de le faire, mais ou autre chose. Il y a plein de choses à construire, donc voilà, c'est des invitations qui sont lancées. J'espère qu'elles ne vont pas être que lancées et critiquées à autre chose. On vous enverra tous les contacts mail pour tous les participants. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui parler. nous proposer des choses, et on avait vraiment à cœur d'essayer de rentrer dans déjà quelque plus concret. Et c'était un peu ça l'idée de la journée, de commencer un peu de façon générale, de parler de l'autonomie, de la résilience, de parler de la formation. Pareil pour Fénelon, voilà, si vous faites quelque chose à Fénelon, il y a un rassemblement, un pique-nique, s'il faut faire Fénelon, pourquoi pas. Voilà, pétition sur change.org, en tout cas, ça sera avec grand plaisir qu'on viendra. Et le soutien est déjà là, donc j'ai pas besoin de dire qu'on vous apporte votre soutien parce qu'il est déjà là. Mais un peu comme tous les projets au jour de la résilience aussi, bah, j'espère qu'en tout cas les versions test, tout ça, ça va fonctionner. Et bah voilà, je pense qu'il y aura un rendez-vous peut-être dans 15 jours. On sait pas trop encore ce qu'on va faire. On va dès à présent, on peut vous annoncer chantier participatif. Puisque sur ce terrain, on veut faire une fête. Et comme vous voyez, c'est pas trop... Voilà, il faut aplanir, quoi. Donc on va peut-être faire une semaine ou quelques jours, fin août ou début septembre, posant aux gens de camper et de bien manger local, bio, pas bio, bref. Non, le potager, on va laisser les cultures. Mais en fait, il faut aplanir le terrain et préparer la fête. Et on n'a pas de grosses machines pour aplanir nos bras et notre énergie et notre cœur, sûrement, et peut-être nos nerfs à la fin de la semaine. Mais en tout cas, voilà, il y aura des besoins par rapport à ça. On invite aussi là, tous les gens qui sont participés aujourd'hui au 19, voilà, venir à la fête. Si vous voulez venir avec un stand ou avec une table, contactez-nous. Voilà, de la DOC, 19 septembre. 19 septembre, ouais. Donc pareil, avec grand plaisir, il y aura des tables rondes, etc. Voilà, c'est toujours compliqué de faire part, essayer d'être le plus large possible. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, voilà, avant de laisser le mot à Michel, d'aider un petit peu à ranger ce qui reste à ranger. Et puis voilà, on vous souhaite encore une bonne journée. Merci d'être là. Et il y a un apéro, mais il n'y a plus rien à boire. Il y a deux cubits de rouge. Voilà. Et oui, vraiment un grand merci aux personnes qui ont organisé cette journée. Voilà, et qui. Voilà. Et une grosse pensée à Patrick G, que vous connaissez tous ici. Patrick Garrigue, voilà, qui va fêter son anniversaire bientôt et qui ne pouvait pas être là avec nous. Et voilà, Kurt nous a aussi filé un petit coup de main pour cette journée, fait des liens. Voilà, c'est cool. Donc je laisse le mot à Michel. Juste un petit mot, parce qu'on a évoqué la marche pour Adama. Mais puisque nous sommes dans le Val d'Oise, je voudrais évoquer aussi la mémoire de Alice. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est un vieux Chibani de 65 ans qui a été assassiné par la police également, il y a une dizaine d'années maintenant, à Argenteuil. Il avait bu un petit coup avec un copain de son âge, un autre Chibani, hein, et la police les a arrêtés. Et voilà. Et donc, il y a un comité aussi, Vérité et Justice pour Alizirie, à Argenteuil. Voilà. Et évidemment, nous sommes là aussi dans 15 jours, Nouvelles-Alpes dimanche le 26.